France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, l'affaire Markovic avec deux invités chez eux. Oui, ça existe, deux journalistes de la maison. Thomas Legrand, bonjour. Bonjour. Merci d'être là à 15h parce que c'est pas votre heure. Hein. Votre heure, c'est 7h40 pour l'éditorial politique de la matinale de 45. France Inter. 45, oui. Et nous accueillons également Michel Polaco. Bonjour Michel. Bonjour Fabrice. Vous aussi journaliste à Radio France, spécialiste des questions aéronautiques et de défense. Mais avant d'être celui qu'on consulte sur tout ce qu'ils veulent, bah, vous avez une autre vie, celle d'un reporter, tout simplement, qui allait couvrir les éléments qu'on lui demandait de couvrir. Et c'était en l'occurrence, et à l'époque, Markovic pour le journal Détective. Voilà. Alors nous avons décidé de rediffuser cette émission sur l'affaire Markovic pour répondre très indirectement à cette déclaration de François Fillon qui indiquait lors d'un meeting être victime d'attaques inédites jamais vues sous la Ve République, ce qui d'emblée est faux, la preuve, même si, rappelons-le, les deux histoires sont totalement différentes sur le fond, on l'a dit. Il se trouve que les campagnes présidentielles ou pré-campagnes ont souvent été riches en rebondissements et en scandales. L'idée est de revenir là sur les différentes affaires qui ont émergé durant les différentes présidentielles, dont la dernière, baptisée Penelope Gate, mais aussi les affaires autour du Front National. Commençons par l'affaire Markovic avec vous, Michel Polaco. Quelle résonance elle a eu cette affaire auprès des Français? Je vous demande cela en tant que témoin, puisque vous étiez au cœur de l'affaire comme enquêteur. Le début de la résonance, c'est quand on découvre le corps de Stéphane Markovic et qu'on apprend que c'est un ancien gorille d'Alain Delon. Donc c'est le nom d'Alain Delon qui va faire que c'est un événement. Moi, je suis un tout jeune reporter. Mon rédacteur en chef, Michel Kérou, à l'époque, m'a envoyé traiter ça comme on va traiter un fait divers et qu'on essaye de savoir qu'est-ce qu'il y a derrière. Et ça présentait plus d'intérêt qu'un corps tout court parce que c'était un ancien gorille d'Alain Delon. Donc, c'était ça l'affaire au début, l'affaire Markovic. Et puis, ça va devenir une affaire politique qui va dépasser tout le monde à partir du moment où certains vont faire circuler le bruit qu'il existe des photos, preuves de parties fines organisées chez Alain Delon et qu'il y a des témoignages comme quoi, chez Alain Delon, parfois dans ses parties fines, se rendaient des vedettes, et parmi les vedettes, ou des gens très connus, on cite la femme, l'épouse de l'ancien Premier ministre du général de Gaulle, Madame Claude Pompidou. Alors là, ça devient une affaire absolument énorme. On est dans le courant du mois de novembre 1968, ça s'amplifie terriblement, et donc moi, mon boulot, c'est d'essayer de retrouver d'abord des témoins qui sont à l'origine de ces fameux témoignages, et ça va être très difficile, et puis de retrouver des photos qui sont à l'origine de ces espèces de montages qui circulent un peu à droite à gauche, on appelle ça sous le manteau à l'époque, et qui ne ressemblent à rien, qui sont vraiment des faux absolument grossiers. Mais on me dit, il y a vraiment des photos à l'origine, et donc moi je vais partir en Italie, retrouver... Et pourquoi en Italie ? Eh bien pourquoi en Italie ? Parce que un précédent garde du corps d'Alain Delon, qui s'appelait Milos Milosevic, qui était ensuite allé se mettre au service de Mickey Rooney, l'acteur américain, et qui était devenu lui-même acteur, a été assassiné aux États-Unis 2 ans avant. Et donc, on pense qu'il y a un lien entre Stéphane Markovic et Milos Milosevic. D'abord, il y a le lien Delon. Deuxièmement, Stéphane Markovic et Milos Milosevic s'étaient peut-être connus. Et la sœur de Milos Milosevic vit à Rome. Et certains prétendent qu'elle est restée très proche de ce milieu et qu'elle possède les documents originaux. Donc je vais à Rome, et là je vais être arrêté par la police, on va me prendre pour un assassin, on va croire que j'ai été envoyé par les amis d'Alain Delon pour récupérer ses preuves, et je vais passer une journée en prison et je vais avoir l'honneur de faire la une de la presse italienne, ce qui va être une histoire bien compliquée. On vous a pris pour un tueur ? On m'a pris pour un tueur. La une de la presse italienne, c'est un journaliste français arrêté, détenu par la police, et pris pour un mystérieux sicario d'Idelon, un homme de main d'Alain Delon. Le journalisme mène à tout, à condition de sortir, dit-on. Bon, comment on en parle dans la presse à ce moment-là ? On reviendra sur la notion de sous le manteau avec vous, Thomas Legrand, mais on ose en parler dans la presse ? Comment ça se passe ? Oui, on ose en parler dans la presse. Faut pas oublier qu'à l'époque, la presse écrite, elle est énorme. Et c'est aujourd'hui, vous avez 4-5 journaux, presse écrite, et l'ensemble des journaux de la presse écrite nationale fait à peine 1 million de tirages. À l'époque, vous avez 6 à 7 éditions de France Soir tous les jours, vous avez Le Monde, vous avez Paris Presse, vous avez l'Aurore, vous avez Le Figaro, vous avez L'Intransigeant, vous avez... Enfin, il y a une presse, le Paris Jour, enfin, bon, Combat, enfin, vous avez encore tout un tas de journaux qui, évidemment, sont des journaux qui vivent librement. Donc, vous trouvez tout dans les journaux. Le problème, c'est qu'on retrouve un peu tout partout, parce que tout le monde photocopie tout le monde, y compris l'agence France Presse ou l'agence centrale de presse, etc. À l'époque, on avait encore, Dieu soit loué, deux agences de presse en France, ce qui n'était plus le cas. Et donc, tout le monde répète un peu tout le monde. Et oui, bien sûr, ça apparaît dans la presse, mais ça apparaît doucement. Ouais. Parce que les premiers qui saisissent ce genre de bruit, de rumeurs, etc., ça les brûle. Et puis en même temps, bon, on va voir la police, on les connaît. Moi, je connais le commissaire Camard, le commissaire Sanson, le commissaire Bardon, tous ces gens-là qui sont plus ou moins chargés d'enquêter sur le crime, enfin sur la mort de Stéphane Markovitch. Et puis tous ces gens-là, ben, au lieu de dire non, c'est pas vrai, ou non, on n'a rien vu, ou non, on ne sait pas, finalement, de peur d'être dépassé par le manque de savoir, ils laissent planer un trouble ou un doute qui fait que on va tous plonger, toute la presse plonge ouais. là-dedans. Alors Thomas Legrand, tout à l'heure, en écoutant le récit, nous étions saisis par ce côté sous le manteau. Et aujourd'hui, on se dit qu'avec Internet, la transparence, voire parfois la dictature de la transparence, cette notion de sous le manteau, elle est dépassée. Ah, c'est plus dépassée. Oui, bien sûr, c'est totalement dépassé, parce que dans cette histoire, Markovitch, c'est ce qui a mis le feu à toutes les imaginations, c'est les fameuses photos. Évidemment, tout le monde voulait voir les photos où on pouvait reconnaître Madame Pompidou à côté d'Alain Delon, à côté de Markovitch. C'était ça. Et il paraît que ces photos, c'est ce qu'on disait à l'époque, existent et que les gens bien informés, bien introduits, les avaient et se les passaient sous le manteau. Et aujourd'hui, il n'y a plus de sous le manteau. Sous le manteau, c'est Internet. Et tout le monde est sous le manteau. Donc, s'il y avait des histoires comme ça aujourd'hui, avec des photos qui existeraient, elles seraient certainement sur Internet par des voies. Alors, c'est ce qu'on peut penser de façon rétrospective. Mais déjà. En réalité, aujourd'hui, il continue à y avoir des rumeurs avec des photos de gens connus, de candidats à la présidence de la République. Et moi, en tant que journaliste politique et éditorialiste, quand je rencontre des gens, on me dit « Ah, mais toi qui es là-dedans, est-ce que tu les as vues, ces fameuses photos d'un tel avec un tel ?» Donc, on continue à penser qu'il y a des trucs cachés. Il y a toujours cachés, des choses cachées. Oui. En réalité, si elles existaient, elles seraient sur un compte Twitter et elles seraient balancées partout. Thomas, est-ce que l'affaire des diamants de Bokassa explique en partie, alors on va faire 12 autres présidentielles avant d'arriver à celle-là, explique en partie la défaite de Valéry Giscard d'Estaing, ou est-ce qu'il faut la chercher ailleurs, cette défaite, simplement dans un mouvement de l'histoire qui fait que c'était le moment de la gauche? Est-ce que les affaires, il faut la chercher ailleurs. Il y avait un moment d'alternance qui était la Ve République n'avait pas connu d'alternance. La Ve République avait prouvé en 69 qu'elle pouvait survivre à De Gaulle, en 74 qu'elle pouvait survivre au gaullisme, et en 81 que c'était une vraie démocratie puisque elle permettait l'alternance. Dès 78, d'ailleurs dès les législatives de 78, la gauche pointait son nez. Elle était majoritaire culturellement. On disait à l'époque, François Mitterrand disait la gauche est majoritaire culturellement, elle deviendra majoritaire politiquement. Et donc c'était normal, c'était évident. Sauf que à la fin, dans les dernières années de la présidence Giscard, ce qu'on lui reprochait, c'était justement d'être un président en majesté, comme ça, de ne plus être le président moderne de 1974, mais d'être un président qui s'était trop installé dans ses habits un peu monarchiques. Et cette affaire, vraie ou pas, des diamants, allait trop bien, elle correspondait à l'image qu'on aimait plus de Giscard d'Estaing. En fait. Du coup, cette affaire a été dans le mouvement de la défaite. Mais pas déterminante dans le mouvement. Personne ne peut le dire. Mais en tout cas, politiquement, c'était normal. Michel Polaco. Et puis vous avez quand même la fracture Giscard-Chirac, qui est un facteur déterminant. C'est que Giscard est élu en 74 parce que Chirac vient le rejoindre et trahit Chaban. Et en 1981, Chirac ne soutient pas Giscard. On est dans les histoires de la droite, les histoires internes de la droite et l'affaire Markovitch. Il y a aussi, sans doute, dans la façon dont certains, peut-être René Capitan à un certain moment, mais peut-être aussi dans l'extrême droite, parce que l'extrême droite politiquement était complètement nulle à l'époque, ça ne représentait rien, mais il y avait quand même tous ces vieux collabos, tous ces vieux anti-Algérie française, dont des avocats, Maître Izorni, qu'on retrouve dans cette histoire, qui sont avocats des uns et des autres. Et il y a toute une partie de la droite anti-républicaine, anti-gaulliste et anti-indépendance de l'Algérie, et encore pétainiste, qui qui cherche dont tout, beaucoup dans les services. Dont beaucoup dans les services qui cherchent toute occasion de nuire au gaullisme et surtout au gaulliste d'après le général. On peut pas toucher au général, mais si le gaullisme devait se perpétuer, il ne pouvait pas le supporter. Dernier exemple avant d'arriver à aujourd'hui. Minutes par exemple était important, ouais, à ce moment-là. Dernier exemple avant d'arriver à aujourd'hui. Vous vous souvenez que Édouard Balladur, qui était en 94 et 95 archi favori, a commencé à vaciller mi-février 95, au moment de l'affaire Schuller, maréchal, qu'on va pas rappeler parce qu'elle est très longue. Est-ce que celle-là a été déterminante également dans la défaite d'Édouard Balladur? Non, je pense pas. Franchement, elle aurait très bien pu toucher aussi le chiracisme, hein, parce que les affaires du chiracisme, la mairie de Paris, il y en a eu beaucoup. Non, Balladur-Chirac, c'est un mouvement politique de l'histoire qui était assez logique. Ça, on dit ça après. Hein. Ouais. On fait beaucoup de post-rationalisation dans l'analyse politique. Bon, et si j'ajoute que la feuille d'impôt de Jacques Chaban-Delmas, c'est pas forcément ce qu'il a fait perdre en 74. Ça lui a fait perdre le gouvernement en 72. Alors j'en tire la conclusion que les affaires ne font pas forcément perdre un candidat, que ça peut être un obstacle supplémentaire, mais c'est pas déterminant. Les affaires peuvent faire perdre un candidat quand elles correspondent, qu'elles soient vraies ou fausses, quand elles correspondent à un trait qu'on n'aime pas de ce candidat. La feuille d'impôt de Jacques Chaban-Delmas, ça correspondait à un rapport à l'argent un peu décomplexé, qu'on pouvait suspecter de Jacques Chaban-Delmas dans une France qui n'a pas ce rapport à l'argent, une droite catholique de l'Ouest, voilà. Alors aujourd'hui, c'est Monsieur Fillon qui se retrouve dans la tourmente. On rappelle les scénarios judiciaires possibles déjà. Donc le dossier n'est pas classé sans suite. Hein, ça, c'est ce qu'on sait. Voilà, on en est là. Le parquet financier a dit qu'il ne pouvait pas le classer sans suite et qu'il n'allait pas le classer sans suite. Et en plus, il y a quand même la date butoir du 17 mars. Le 17 mars où les candidatures, les parrainages sont déposés. Ça y est, c'est fini. C'est fini. Donc est-ce que ça veut dire que là, François Fillon, je ne vous demande pas de lire dans la boule de cristal évidemment, mais que François Fillon est parti pour être candidat et qu'il sera candidat jusqu'au bout. Visiblement oui, parce qu'il s'était mis lui-même comme obstacle infranchissable à mise en examen. Et puis il a été un peu rapide parce que cette mise en examen est peut-être possible, lui ou sa femme. Et finalement, il est revenu en arrière en disant, c'est pour ça que ses avocats ont dit que le parquet financier n'était pas compétent, pour pouvoir dire si je suis mis en examen par quelqu'un une institution que je ne considère pas compétente, eh bien je reste candidat. Donc il sera candidat et il dit c'est aux Français de juger, je vais devant les urnes. C'est quand même l'instance suprême pour me juger dans une démocratie. Est-ce qu'il a gagné la bataille politique dans la mesure où, du côté de ses troupes, il y a eu quand même quelques malaises exprimés? Il y en a toujours. Mais au bout de tout, est-ce qu'il tient à ses troupes? Non, ce qu'on a pu constater, c'est qu'il y a un socle qui est autour de 18-20%, qui est le socle de la droite, qui veut que le prochain président soit de droite, et qu'il ne soit pas Front National, qu'il ne soit pas de gauche. Et ce socle-là, il l'a gardé. C'est le socle de la droite qui n'était pas touchée, qui n'était pas non plus sensible aux affaires de Jacques Chirac, aux affaires de Nicolas Sarkozy. Ce socle-là, visiblement, il le garde. Mais il a beaucoup de mal maintenant. Il a beaucoup de mal à pouvoir s'en sortir, s'en extraire, le dépasser. Depuis quelques jours, il essaye de faire en sorte qu'on ne parle plus de ses affaires. Et donc, il transgresse en faisant, par exemple, un discours un petit peu à la Nicolas Sarkozy sur les questions sécuritaires, identitaires. C'était pas son style. Il le fait. Comme ça, on le constate, on en parle et on ne parle plus de l'affaire. Là, il est obligé aussi, sur les histoires de sécurité sociale, de revenir en arrière. Donc, c'est un petit événement. On en parle. Mais ce matin, je parlais à quelqu'un qui lui est proche en ce moment et qui disait effectivement on fait tout ça pour qu'on parle d'autre chose mais ça a un coût, cette histoire a un coût et un prix à payer et on est en train de le payer. Cela dit, 18%, ça peut suffire pour se qualifier au second tour. Mais je vous rappelle que Jacques Chirac, en 2002, c'était avec 19%. Il nous reste une minute, on va parler du Front National. Alors là aussi, il y a des suspicions. Alors là, ça vient, le cadre, le théâtre, c'est le Parlement européen. Enfin, c'est l'Europe. Oui. Et on a l'impression que les électeurs du Front National ne sont pas touchés ou moins touchés par les affaires qui pourraient concerner leur leader, en l'occurrence Marine Le Pen. Oui, parce que Marine Le Pen combat le système, avec des guillemets, sans savoir exactement ce que c'est que ce système. Enfin, le système. Donc les affaires viennent du système, c'est normal, c'est une lutte entre le système et elle. Donc les gens qui sont pour Marine Le Pen ne se sentent pas... ne sont pas bouleversés. Ils pensent que... D'ailleurs, François Fillon, les leaders de la droite... avant François Fillon et avant la primaire, finalement, n'étaient pas très touchés. Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy n'étaient pas touchés par les affaires. Quand il y avait des affaires les concernant, finalement, ça ne, l'opinion leur en tenait pas rigueur. Maintenant qu'il y a eu les primaires et qu'ils sont rentrés dans un système de démocratie interne, ce qui est un pas nouveau pour la droite, eh bien, le rapport au chef est plus le même. Le chef n'est plus ce chef incontesté. On n'est plus dans une logique de clan. Et du coup, il faut que le chef soit propre. Marine Le Pen, c'est finalement une chef de meute et elle est là pour renverser le système, pour donner un coup de pied. Quand on donne un coup de pied, on s'en fiche un peu que sa chaussure soit propre ou sale. Voilà. Mais, très jolie formule, Michel Polacou. Oui, juste un mot pour rappeler que quand l'affaire Markovic éclate, le général de Gaulle serait élu en 1965 à la présidence de la République pour un septennat. Il a encore 3 ans devant lui. Donc, si vous voulez, Pompidou, lorsqu'il est mis en cause à travers sa femme, c'est quand même quelqu'un qui a largement le temps de décider ou pas s'il va se présenter comme candidat. Et à l'époque, on ne peut pas dire que les rues bruissent de la candidature de Pompidou. Vous voyez, enfin, elle peut être considérée quand même comme potentiellement probable. C'est quand même un leader. Oui, mais ce n'est pas le sujet. Si vous voulez. On ne vit pas à la vitesse où on vit aujourd'hui. Ce n'est pas le sujet quoi, à cette époque-là. Bon, tout le monde sait qu'il est en réserve de la République. Il faut faire sinon une seconde. Rapidement, c'est fini. Une grosse différence entre, vous l'avez fait au début, mais il faut le rappeler, entre l'affaire Markovic, qui est une fausse affaire, pleine de rumeurs et l'affaire Fillon, qui est très simple, qui est vrai et très simple. Voilà. En tout cas, sur des faits qui restent à prouver, mais au moins sur des faits. Merci Thomas Legrand, merci Michel Polacou. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, l'affaire Markovic, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Demain, nous évoquerons la révolution orange en Ukraine. C'était en 2004.